viennent nos larmes quand elles sèchent? Pourquoi la douleur, l'angoisse et les peurs font-elles couler nos yeux? Quand on a pris conscience que notre passage sur cette terre ne se vit qu'une fois, le temps que l'on passe dans le noir à nourrir la tristesse est-il vraiment nécessaire? Je pose une question dont j'ai déjà la réponse. D'accord, la vie n'est pas qu'un éclat de rire. Tenir la main de ceux que l'on aime en sachant pertinemment qu'il nous faudra la lâcher pour toujours. Mais ça ira. Il faut profiter du moindre instant et accepter que des larmes puissent ruisseler sur nos joues. Parce qu'elles deviendront le remède à toutes les peines quand elles sécheront. Hier, aujourd'hui, c'était peut-être dur, ouais. Mais demain, les éclats de rire seront la seule mélodie dans la médina. Ça ira. Ça ira.